illustrée. Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, des chaînes à la productivité. La partie mécanique étant terminée, la carrosserie descend à son tour sur la chaîne. L'invention du management. Au management, il faut être intelligent, mais il ne faut pas être trop intelligent. L'amélioration des relations entre patrons et ouvriers crée un climat de détente même entre ouvriers. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. Quand on est un grand industriel, on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire en masse. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. Marc Mousseli, vous avez rédigé un ouvrage, une sorte de vaste aperçu historio-biographique, je dirais, de grandes figures du management. Une petite vingtaine sont dans cet ouvrage paru aux éditions Alternatives Économiques et Petit Matin. Et grâce à ces figures, on arrive à se faire une sorte de double représentation qui est à la fois l'évolution de l'approche managériale, l'évolution des mentalités vis-à-vis du travail et surtout de l'organisation du travail. La figure tutélaire de Frédéric Taylor, l'une de ses principales approches, c'est être dans la maîtrise de la temporalité. Est-ce résumer cette valeur-là qui vous paraît juste et précise? Pour lui, surtout à l'époque, le temps c'est de l'argent, hein. Le temps c'est de la production, hein. Donc effectivement, il y a une maîtrise de la temporalité. Mais Taylor, qui reste toujours très actuel, je ne sais pas si on doit dire hélas aujourd'hui, Taylor, c'est avant tout la rupture avec la maîtrise de leur poste de travail par les ouvriers. C'est la direction, avec des contremaîtres qu'il appelle fonctionnels, qui vont organiser le travail non seulement à l'échelle de l'usine ou de l'atelier, mais même à l'échelle du poste de travail. Et c'est ça la grande révolution taylorienne. Son organisation scientifique, c'est qu'il étudie avec un soin extrême les gestes de chacun, et qu'il les recompose pour les rendre plus efficaces et donc faire le même travail en beaucoup moins de temps, et ajoutons quand même à son honneur, avec moins de fatigue. Alors, on arrive souvent à des idées lumineuses par réaction à quelque chose qui auparavant peut s'appeler une erreur ou un dysfonctionnement. Est-ce que c'est son cas? Est-ce qu'il a fait le constat qu'il y avait quelque chose qui coinçait quelque part et de là lui est venue la suite? Oui, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que Taylor donc était d'une famille aisée de Boston, hein. Quaker. Quakers, oui. Ouais. Faudra faire une histoire des Quakers d'ailleurs, c'est très important dans le management. Oui, parce qu'on les retrouve assez partout. Régulièrement, hein, partout. Ouais. Alors donc il était d'une famille assez aisée, il devait faire Harvard et être juriste comme son père, hein, s'il avait suivi la voie de son père, la voie de sa famille. Mais en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était la mécanique, donc il a préféré partir comme ouvrier dans une entreprise qui était une entreprise tenue par un ami de son père. Et dans cette entreprise, il a travaillé à ce qui lui plaisait, hein, la mécanique. Et il s'est aperçu très vite que les gens autour de lui avaient un rendement qui était approximativement le tiers de ce qu'ils auraient pu avoir. Alors pourquoi? Pas tellement par un manque d'organisation, parce que les postes de travail, c'était des postes d'ouvriers qualifiés, mais plutôt parce que les gens avaient intérêt à pas travailler trop, hein, pour pas se fatiguer, et puis parce qu'ils savaient que s'ils travaillaient beaucoup plus, ils seraient pas payés beaucoup plus. Donc y avait donc un freinage généralisé qui a toujours existé et qui a continué à exister bien après Taylor. Alors, il s'est dit qu'on pouvait faire beaucoup mieux en matière d'organisation du travail, hein, au fur et à mesure que les mois passaient et qu'il voyait autour de lui ses camarades travailler. Il a donc imaginé donc de recomposer les gestes, d'améliorer l'environnement aussi des postes de travail, hein. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur tout ce qui était machines, courroies de transmission, etc., pour que l'environnement soit le plus favorable possible au travail, hein. Et puis, Il a surtout travaillé, bien sûr, c'est là qu'il est connu, sur l'homme et ses gestes. Est-ce un trop grand raccourci qui nécessiterait bien des nuances, Marc Mously, de se figurer que pour Taylor, l'homme, l'être humain en situation de travail comme ça, n'est pas très loin de la machine? En dehors du fait qu'effectivement vous soulignez que l'un des soucis qu'il a pu avoir, c'est de diminuer le taux de fatigue de chacun des ouvriers en poste. Oui, il y a des travaux assez intéressants qui ont été faits sur la métaphore, hein, l'entreprise et la métaphore, le ménagement et la métaphore. Et la première métaphore qui arrive, c'est la machine. Et effectivement, ce qui est important, c'est de bien voir que le management, c'est pas une science, hein, c'est complètement contingent. C'est-à-dire qu'on fait du management avec les installations et les hommes qu'on a. Alors les hommes avec qui Taylor travaillait au niveau de l'atelier, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Taylor, c'est au niveau de l'atelier. Hein, ce n'est pas dans les bureaux, c'est au niveau de l'atelier. Les hommes avec qui il travaillait, c'était souvent des immigrés récents qui n'avaient aucune instruction, qui, pour la plupart, ne parlaient pas anglais ou très mal. Et en fait, la seule chose qu'ils vendaient, c'était leur force de travail. Autrement dit, aujourd'hui, vous remplacez le travailleur Schmitt là, de Taylor par un robot, vous avez exactement le même résultat. Ils considéraient ces gens-là, effectivement, avec un certain respect humain, mais ils les considéraient quand même, dans leur fonction, comme des machines. L'objectif principal de la gestion devrait être d'assurer la prospérité maximale pour l'employeur, couplée à la prospérité maximale pour chaque employé. Les mots « prospérité maximale » sont utilisés dans leur sens large pour signifier non seulement des dividendes importants pour l'entreprise ou le propriétaire, mais le développement de chaque branche de l'entreprise à son plus haut niveau d'excellence, afin que la prospérité puisse être permanente. De la même manière, une prospérité maximale pour chaque employé signifie non seulement des salaires plus élevés que ceux généralement perçus par les hommes de sa classe, mais plus important encore, cela signifie également le développement de chaque homme à son état d'efficacité maximale afin qu'il puisse être capable de faire, de manière générale, le plus haut degré de travail pour lequel ses capacités naturelles lui conviennent, ce qui signifie en outre lui donner, lorsque cela est possible, ce type de travail à faire. Il ne fait aucun doute que dans le monde industriel, une grande partie de l'organisation des employeurs, ainsi que des employés, est pour la guerre plutôt que pour la paix, et que peut-être la majorité des deux côtés ne croit pas que ce soit possible, ceci afin d'organiser leurs relations mutuelles de sorte que leurs intérêts deviennent identiques. La majorité de ces hommes estiment que les intérêts fondamentaux des salariés et des employeurs sont nécessairement antagonistes. La direction scientifique, au contraire, a pour fondement même la ferme conviction que les véritables intérêts des deux sont les mêmes. Cette prospérité pour l'employeur ne peut exister à long terme que si elle s'accompagne de prospérité pour l'employé et vice-versa. Personne ne peut nier que dans le cas d'un seul individu, la plus grande prospérité ne peut exister que lorsque cet individu a atteint son niveau d'efficacité le plus élevé, c'est-à-dire lorsqu'il réalise sa plus grande production quotidienne. Ce fait est également avéré dans le cas de deux hommes travaillant ensemble. Si vous et votre ouvrier êtes devenus si habiles que vous et lui fabriquez ensemble deux paires de chaussures en une journée, alors que votre concurrent et son ouvrier n'en fabriquent qu'une seule, il est clair qu'après avoir vendu vos deux paires de chaussures, vous pouvez payer à votre ouvrier des salaires beaucoup plus élevés que votre concurrent qui produit une seule paire de chaussures et capable de payer son homme, et qu'il restera encore assez d'argent pour que vous ayez un bénéfice plus important que votre concurrent. Dans le cas d'un établissement manufacturier plus compliqué, il doit également être parfaitement clair que la plus grande prospérité permanente pour l'ouvrier couplée à la plus grande prospérité pour l'employeur ne peut être réalisée que lorsque le travail de l'établissement est effectué avec la plus petite dépense combinée des forces humaines, plus les ressources de la nature, plus le coût de l'utilisation du capital sous forme de machines, de bâtiments, etc. Ou, pour dire la chose d'une manière différente, que la plus grande prospérité ne peut exister que comme résultat de la plus grande productivité possible des hommes et des machines de l'établissement, c'est-à-dire lorsque chaque homme et chaque machine produisent le plus grand rendement possible. Car, à moins que vos hommes et vos machines ne produisent quotidiennement plus de travail que les autres autour de vous, il est clair que la concurrence vous empêchera de payer des salaires plus élevés à vos ouvriers qu'à ceux de vos concurrents. Et ce qui est vrai quant à la possibilité de payer des salaires élevés dans le cas où deux entreprises se font concurrence l'une à côté de l'autre, est également vrai pour des districts entiers du pays et même pour des nations qui sont en concurrence. En un mot, cette prospérité maximale ne peut exister que grâce à une productivité maximale. Les principes du management scientifique, Frédéric Taylor, 1911. Tout à fait opposé à Frédéric Taylor, Henri Fayol, le français, l'administratif, à propos duquel je me suis dit, après tout, si Taylor a plutôt le chronomètre en main, lui, Fayol, il aurait plutôt un livre de comptes. Pourriez-vous le présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Vous prenez comme deuxième personnage la Fayol. Avec Taylor et Fayol, on est vraiment au début du management. Parce que quand vous parliez de cette contemporanéité des personnages, c'est aussi la contemporanéité du management. C'est-à-dire que avant eux, on ne peut pas dire que le management existait. Il y avait des organisations qui étaient des organisations familiales, etc. Mais c'était pas du management. Le management, il commence à partir du moment où il y a une division des tâches entre les gens, une organisation, etc. La deuxième révolution industrielle introduit finalement le management, et non pas la première. Ouais. C'est la richesse des nations, c'est Adams, tout ça. C'est la deuxième moitié du 19e siècle qui prépare le siècle du management, c'est-à-dire le 20e. Parce que ce qui a changé dans la donne générale, c'est l'échelle, et c'est ce qui implique forcément une plus grande organisation. On passe d'un artisanat où vous aviez le chef de famille ou le maître, c'était le même d'ailleurs, avec sa famille et ses apprentis autour de lui. Hein. On passe de cette échoppe là à l'usine, à l'atelier, etc. Alors, pourquoi est-ce que Fayol et Taylor sont complètement complémentaires? Fayol, c'est le pur produit de la méritocratie française. Hein. Il est ingénieur de l'école des mines à 19 ans, et mine de Saint-Étienne à 19 ans. Il entre dans une entreprise qui est une entreprise minière, hein, mine de Commenterie, etc. Il y a plusieurs lieux. Et il va y faire toute sa carrière, hein, depuis ingénieur débutant jusqu'à président-directeur général du groupe. Fayol, lui, il a une méthode qui, sur très généralement, est un peu la même que Taylor. C'est-à-dire qu'il commence par bosser, par regarder autour de lui, par prendre des notes, et puis ensuite il réfléchit. Dans aucun des cas, ce ne sont des universitaires qui se lancent dans la science du management. C'est des hommes qui bossent. Alors Taylor avec ses mains, Fayol plus avec sa tête, sa machine à calculer, etc. Mais des gens de terrain. Mais des gens de terrain. Fayol, donc, il n'est pas dans un atelier où on a des gens qui font des tâches assez mécaniques. Il travaille dans une mine. Dans une mine, que vous le vouliez ou non, le mineur, il faut qu'il fasse travailler plus que ses bras, hein, parce que sinon, les catastrophes sont vite arrivées. Donc, il a des préoccupations, Fayol, qui sont les préoccupations d'organisation générale, qui sont les préoccupations, par exemple, de sécurité dans la mine, qui sont tout à fait différentes de celles de Taylor. Et Fayol comprend quelque chose que les Tayloriens, ou ceux qui ont suivi Taylor, n'avaient pas complètement compris, et je ne sais pas s'ils l'ont compris aujourd'hui encore, c'est que ce qui compte, c'est pas tellement ce que fait tomber comme charbon chacun de ses mineurs. Ce qui compte, c'est l'ensemble. Ce qui compte, c'est la façon dont il approvisionne la mine en outils performants, c'est la façon dont les gens sont organisés pour travailler, c'est la façon dont on va organiser la logistique pour évacuer le charbon, c'est tout ça qui compte. L'attention à leur santé, etc. Voilà, etc. Donc c'est une vision beaucoup plus globale. Hein, beaucoup plus globale. Quand je disais tout à l'heure que Taylor se situe au niveau de l'atelier, Fayol, lui, il se situe au niveau de la direction générale, on dirait aujourd'hui de l'entreprise. Alors évidemment, ça change un peu les choses, quoi. Donc, il va réfléchir sur les grandes fonctions, hein, qui étaient des fonctions tout à fait classiques que tout le monde avait découvert avant lui, hein, comme la production, comme le commercial, comme la comptabilité, etc. Et puis, il s'aperçoit que dans toutes ces fonctions, il y en a une dont on parle jamais et qu'il appelle, lui, la fonction administrative. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le management. Alors, pour Fayol, le management, c'est pas l'apanage du directeur général ou des grands cadres. Le management, presque tout le monde en fait dans l'entreprise. Simplement, il y a des proportions. Il y a des gens qui en font un tout petit peu. Il y a le chef d'équipe là qui va répartir les outils le matin, vérifier que tout le monde est là, etc. Qui peut faire très peu de management, mais qui en fait quand même. Et puis, il y a bien sûr le directeur général qui, lui, fait ça en permanence. Il ne fait que ça. Voilà. Donc, c'est cette émergence de cette fonction administrative, cette émergence du management au niveau d'entreprise que Fayol, jour après jour, en notant ses expériences, ce qu'il observe chez ses camarades ingénieurs, puis chez ses camarades directeurs de l'entreprise, va mettre dans une sorte de somme, qui est une somme assez mal foutue, un bouquin assez mal foutu, mais qu'il publie effectivement en 1916. Mieux que personne, Frédéric Taylor a mis en évidence la complexité et le poids de la charge qui pèse sur les chefs d'un grand atelier de construction mécanique. Ces chefs ne peuvent remplir convenablement leur mission que s'ils sont aidés. Selon Taylor, il faut abandonner le type ordinaire d'organisation qu'il désigne, non sans quelque dédain, sous le nom de type militaire d'organisation, où les ouvriers reçoivent leurs ordres d'un seul homme, chef d'atelier ou chef d'équipe. Cependant, ajoute-t-il, la conviction est fortement enracinée que la véritable base d'organisation repose sur le type militaire, dont le principe est qu'aucun ouvrier ne peut travailler sous les ordres de deux chefs différents. Jusqu'ici, sauf dans les usines qu'il a aidé à organiser, l'auteur n'a jamais trouvé un seul directeur déclarant carrément et en pleine conscience de cause qu'il employait le système de direction administrative parce que tel était le principe correct. D'après Taylor lui-même, certains fidèles du principe de l'unité de commandement n'ont pas voulu y renoncer, même sur ces instances. En ce qui me concerne, je ne crois pas qu'un atelier puisse bien marcher dans l'état de violation flagrante de ce principe. Et cependant, Taylor a dirigé avec succès de grandes entreprises. Comment expliquer cette contradiction ? Je suppose qu'en pratique, Taylor savait concilier le fonctionnement de l'état-major avec le principe de l'unité de commandement. Mais ce n'est là qu'une supposition dont je ne suis pas en mesure de vérifier l'exactitude. Tous les jours, dans les affaires et du haut en bas des hiérarchies, on a à concilier le fonctionnement de l'état-major avec le principe de l'unité de commandement. Il y faut quelque habileté, Taylor devait en être richement pourvu. Je crois qu'il est dangereux de laisser se répandre l'idée que le principe de l'unité de commandement est sans importance et peut être impunément violé. Conservons donc, précisément, jusqu'à nouvel ordre, le vieux type d'organisation où l'unité de commandement est en honneur. Il se concilie très bien d'ailleurs avec le renforcement des chefs d'atelier et contremaîtres recommandés par Taylor. Mes réserves sur l'organisation scientifique ou administrative de Taylor ne m'empêchent point d'admirer l'inventeur des aciers à coupe rapide, le créateur de procédés minutieux et précis des conditions dans lesquelles s'exécute le travail de l'ouvrier, l'industriel énergique et ingénieux qui, après avoir fait des découvertes, n'a reculé devant aucun effort et aucun ennui pour les faire entrer dans le domaine de la pratique, et le publiciste infatigable qui a tenu à faire profiter le public de ses essais et de ses expériences. nous pouvons souhaiter que l'exemple du grand ingénieur américain soit suivi à cet égard par beaucoup de nos compatriotes. Administration industrielle et générale, Henri Fayol, 1916. Si l'on prend Taylor d'un côté et Fayol de l'autre, Marc Mously, est-ce que leur rapport ou leur entendement du chef ou du leader ou du dirigeant supporte la même définition ou est totalement redéfini parce qu'ils ont précisément des approches sensiblement différentes? Je pense que leur conception du chef est très différente. Taylor a une conception qui est extrêmement mécanique, comme on disait tout à l'heure. Dans les ateliers qu'il connaissait, le chef, c'était le contremaître. Alors le contremaître, c'était lui qui embauchait, c'était lui qui licenciait les gens, c'était lui qui leur donnait le travail, etc. C'est-à-dire que les dirigeants de l'entreprise, souvent, ils étaient au loin. La seule chose qui les intéressait, c'était que l'argent rentre. Ils s'intéressaient pas vraiment à la production. Donc, ce contremaître-là, il avait donc une fonction d'organisation très forte. Mais dans le management, il n'y a pas que l'organisation. Il y a aussi, bien sûr, la gestion à laquelle il participait. Et puis, il y a le contact avec les hommes. Et ça, c'était pas son point fort. Il y avait des ouvriers qualifiés qui faisaient leur travail et personne n'avait le droit de s'en mêler. Dans la charte, le guide des ouvriers qualifiés, il était précisé que il ne devait jamais autoriser ou laisser un patron les regarder travailler. C'est dans la charte. Oui. Il s'arrêtait de travailler. Sinon. Si un patron venait regarder ce qu'il faisait, il s'arrêtait de travailler. Ils en avaient le droit. C'était, bon. Il faudrait l'art public. c'était donc des ouvriers qualifiés qui étaient d'anciens artisans, si vous voulez, qui avaient le métier dans les mains et dans la tête, etc. Et puis à côté, il y avait les ouvriers qu'on a appelés plus tard spécialisés, c'est-à-dire qu'on mettait à faire une tâche relativement simple et puis qui faisaient ça à longueur de journée. C'est ça la main-d'œuvre de Taylor. Alors, le chef, donc, c'était ce contremaître là qui organisait les choses. Et puis, Taylor va inventer un nouveau chef, qui est un chef fonctionnel. Alors, il avait un peu la folie de l'organisation, parce qu'il avait imaginé qu'il y en aurait 8 sortes, pour 8 fonctions différentes. Bon, ça n'a jamais marché. Mais le chef fonctionnel, donc, c'est en fait un contremaître qui travaille avec un bureau d'études où on fait ces opérations là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire analyser les chronométrages de gestes, etc., voir si on peut gagner quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Bon, et donc il y a une espèce d'éclatement de la notion du chef. Alors que Fayol, lui, c'est l'inverse. Il va même un tout petit peu trop loin. Il estime que chaque ouvrier ou chaque employé, chaque salarié, ne doit rendre compte qu'à un seul chef. Alors bon, par la suite, on a un peu mis de l'eau dans ce vin parce que on a inventé des organisations qui sont des organisations matricielles où souvent il y a un chef pour les opérations courantes, la gestion, etc. Et puis pour la fonction elle-même, c'est-à-dire tout ce qui est la formation de l'homme, son perfectionnement, etc. Il y a un autre chef quelque part qui est un chef fonctionnel. Mais pour Fayol, on ne doit rendre compte qu'à un chef. Et alors ce chef, c'est celui, alors une formule extrêmement célèbre, celui qui prévoit, la notion de prévoyance, donc de long terme, c'est celui qui organise, c'est celui qui coordonne, alors c'est très important la coordination, pour justement tout ce que sera le chef par la suite, le manager, etc. Et puis c'est celui qui commande et qui contrôle. Voilà le chef de Fayol. J'ai donc adopté la définition suivante. Administrer, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Prévoir, c'est-à-dire scruter l'avenir et dresser le programme d'action. Organiser, c'est-à-dire continuer le double organisme matériel et social de l'entreprise. Commander, c'est-à-dire faire fonctionner le personnel. Coordonner, c'est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts. Contrôler, c'est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établies et aux ordres donnés. Ainsi comprise, L'administration n'est ni un privilège exclusif, ni une charge personnelle du chef ou des dirigeants de l'entreprise. C'est une fonction qui se répartit, comme les autres fonctions essentielles, entre la tête et les membres du corps social. La fonction administrative se distingue nettement des cinq autres fonctions essentielles. Il importe de ne pas la confondre avec le gouvernement. Gouverner, c'est conduire l'entreprise vers son but en cherchant à tirer le meilleur parti possible de toutes les ressources dont elle dispose. C'est assurer la marche des six fonctions essentielles. L'administration n'est que l'une de ces six fonctions dont le gouvernement doit assurer la marche. Mais elle tient dans le rôle des grands chefs une si grande place qu'il peut parfois sembler que ce rôle est exclusivement administratif. À chaque groupe d'opérations ou fonctions essentielles correspond une capacité spéciale. On distingue la capacité technique, la capacité commerciale, la capacité financière, la capacité administrative, etc. Chacune de ces capacités repose sur un ensemble de qualités et de connaissances que l'on peut résumer ainsi. Premièrement, qualité physique. Santé, vigueur, adresse. Deuxièmement, qualité intellectuelle. Aptitude à comprendre et à apprendre, jugement, vigueur et souplesse intellectuelle. Troisièmement, qualité morale. Énergie, fermeté, courage des responsabilités, initiative, dévouement, tact, dignité. Quatrièmement, culture générale, notions diverses qui ne sont pas exclusivement du domaine de la fonction exercée. Cinquièmement, connaissances spéciales. Elles concernent exclusivement la fonction, soit technique, soit commerciale, soit financière, soit administrative, etc. Sixièmement, expérience. Connaissance résultant de la pratique des affaires, c'est le souvenir des leçons qu'on a soi-même tirées des faits. Dans l'entreprise rudimentaire, où toutes les fonctions sont remplies par une seule personne, l'étendue des capacités nécessaires est évidemment réduite. Dans la grande entreprise, où s'effectuent des opérations importantes et variées, le personnel doit posséder de nombreuses capacités à un haut degré. Mais comme les fonctions sont réparties entre un grand nombre d'agents, chacun des agents n'est généralement tenu qu'à une part réduite des capacités de l'ensemble. Administration industrielle et générale, Henri Fayol, 1916. Nous retrouverons demain Marc Mously pour la suite de cette série consacrée à l'industrie automobile, à la fois dans son management, mais également dans son organisation. Ceci dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2 et depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS. Un documentaire consacré à Joseph Ganz, l'inventeur de la coccinelle.